Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Les avis sont divergents sur le retrait des représentants du gouvernement dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Kigali. Le président du parti FNL estime que le pays ne va rien perdre au moment où le vice-président du parti Sawanya Fodewu redoute la marginalisation du Burundi. Deux enseignants critiquent la décision de la direction de l'enseignement de la commune Ebuhinuza de laisser avancer de classe tous les élèves qui ont passé les examens de repêchage au lycée communal de Moulamba. Ils estiment qu'une telle décision est de nature à dénaturer l'enseignement. Et en actualité internationale, nous allons vous parler de 4500 tonnes de nourriture destinées aux démunis volées par des hommes en uniforme au Sud-Soudan. Nous allons également vous parler des conséquences économiques de l'attentat de Nice en France. Et voilà pour le sommaire. Nous venons de vous le dire en titre, l'État burundais ne va rien perdre en ne participant pas dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Kigali, au Rwanda, depuis ce samedi. C'est l'analyse du président du parti FNL, Jacques Bigirimana, salue la stratégie de la chaise vide du gouvernement dans ce sommet, car dit-il, toute décision qui concerne le Burundi qui sera prise en son absence ne l'engagera en rien. On l'écoute. Le Burundi avait envoyé une forte délégation dans ce sommet. Mais comme, à mon avis, les préparatifs de ce sommet n'ont pas donné espoir à la délégation gouvernementale, elle aurait jugé bon de ne pas y faire part. Alors, si la délégation a décidé de la manière, c'est son droit, parce que le gouvernement du Burundi représente le peuple burundais ici comme à l'extérieur du pays. Deuxièmement, je pense que les préparateurs de ce sommet n'auraient pas associé les Burundais. Alors, chaque fois qu'il y a une décision qui est prise et qui concerne une personne et que cette personne n'est pas associée, et cette décision n'engage que ceux qui l'ont prise. Je pense que pour le moment, tout ce qui proviendra de ce sommet n'engagera que les gens qui ont fait part. Le Burundi n'est pas du nombre. Sinon, je pense que le Burundi sera consulté et la fois prochaine, on va organiser d'autres sommets en impliquant les vrais partenaires que le Burundi. Parce qu'aujourd'hui, si on débat sur la question du Burundi, le premier partenaire important, c'est le Burundi lui-même. Alors, si on n'aura pas associé, vous comprenez qu'il ne pouvait pas accepter. Jacques Bigirimana, il est président du parti FNEL. Le vice-président du parti Sawanya Frodebou ne partage pas la même opinion avec le président du parti FNEL. Léon Senghidakoumana estime plutôt que c'est une perte pour le Burundi. Il craint la marginalisation du pays si cela devrait continuer. Ça risque d'être interprété comme un sabotage de ce sommet. Les raisons que le pouvoir avance, je ne les connais pas, mais je ne crois pas qu'il y ait une justification. Je me dis que c'est vraiment une perte pour la nation burundaise, c'est une perte pour la sous-région, c'est une perte pour l'Union africaine, parce que la crise qui secoue au Burundi a un impact sur les pays de la région, peut avoir un impact même sur le reste de l'Afrique, parce que quand une crise devient très profonde pour un pays, la crise l'est pour les pays voisins et pourquoi pour les amis aussi. Je pense que ça a été une mauvaise décision, mais c'est déjà là, on doit gérer et on doit s'organiser pour gérer. Mais vous devez savoir que le Burundi a déjà des problèmes avec l'Union européenne. Vous savez que récemment, le gouvernement du Burundi s'est retiré presque des négociations à Arusha du dialogue. L'isolement du Burundi risque de se consolider. Nous étions presque très isolés. Maintenant, si on doit créer encore une fois des problèmes entre le Burundi et ses autres pays qui ne vont pas bien considérer ce retrait, je pense qu'on devrait rapidement penser à des mécanismes de correction pour qu'on ne soit pas interprété comme des saboteurs de cette réunion. Et les résultats qui vont sortir, ils vont engager le Burundi parce que le Burundi n'a pas présenté sa démission comme membre de l'Union africaine. Léo Senghidakoumana, il est vice-président du parti Sawanya Frodebou. Toujours à ce sujet, contacté, Pascal Nyabenda, président du parti au pouvoir, indique qu'il faut demander au gouvernement les affaires qui le concernent. Toujours dans le souci de savoir ce qui a poussé les représentants du gouvernement burundais à ne pas participer dans ce sommet de Kigali, nous avons contacté le porte-parole du gouvernement et le ministre des Relations extérieures sans succès. Sur la page éducation, la direction de l'enseignement de la commune de Buhinyuza a octroyé, plutôt la direction de l'enseignement de la commune de Buhinyuza a octroyé la réussite à tous les élèves du lycée communal et Muramba qui ont passé les examens de repêchage. Des enseignants s'insurgent contre cette mesure qui, selon eux, dénature l'enseignement et les dresse contre les parents. Correspondance signée Dieudonné Nzeyimana. Dès l'annonce des résultats des examens de repêchage, un climat malsain s'est installé au lycée communal Muramba, commune Buhinyuza, entre la direction et le titulaire de certains cours. La direction de l'école a convoqué de nouveau le jury pour obliger aux enseignants de donner des points aux élèves qui ont échoué en début de semaine. Les enseignants, brandissant la loi, se sont opposés à cette mesure. Unilatéralement, la direction de l'école, avec l'aval de la direction de l'enseignement commune Buhinyuza, a annulé les résultats de repêchage. Tout élève ayant fait les examens de repêchage a été proclamé et réussi. Des sources à Buhinyuza précisent que non seulement cette mesure dévalorise les enseignants, mais les dresse contre les parents. Une opinion se développe comme quoi les non-natifs de cette commune font la solidarité pour faire échouer les élèves. Ces enseignants ont donc peur pour leur sécurité. Espérance Sengiyumba, directrice d'enseignement à la commune de Buhinyuza, parle plutôt de mesures salutaires en faveur des élèves. Les élèves qui ont fait les examens de repêchage n'ont pas eu droit à la période de révision. Un des enseignants a d'ailleurs désorienté ses élèves quant à la matière d'évaluation d'après cette direction. Pour qui, c'est clair, certains des enseignants se sont coalisés pour faire échouer les élèves, avoir le taux de réussite tournant autour de 40%. Côté enseignants, on réclame toujours une médiation pour faire respecter la loi et éviter des persécutions par le simple effet de ne pas être des natifs de la commune de Buhinyuza. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, nous vous parlons d'un mois d'aide alimentaire envolée dans la semaine du 11 juillet au Soudan du Sud, dans les hangars du Programme alimentaire mondial PAM. Les habitants de Juba disaient que ce sont des hommes en uniforme qui ont pillé ces hangars. Et en France, l'attentat de Nice commence à faire des conséquences. C'est entre autres la baisse du chiffre d'affaires pour le tourisme. Les détails avec Alida Ndaikeza. Comme on le lit sur le site de Jeune Afrique, il y a eu un pillage de masse au Sud-Soudan. Des 4500 tonnes de nourriture destinées à nourrir durant un mois plus de 220 000 Sud-Soudanais en détresse alimentaire, il ne reste plus rien. Pas même le hangar du Programme alimentaire mondial PAM de Djouba où elle était stockée. Pour Huiya Koang, porte-parole de l'armée, ce pillage est regrettable. Il accuse directement les troupes du vice-président Riek Machar qui, avant le retour de leur chef au gouvernement, appartenaient aux forces rebelles. Une grande partie du pillage du PAM a été réalisée dans la semaine à l'aide de camions, en exercice logistique d'une grande organisation nécessitant des centaines de va-et-vient entre le hangar et la périphérie de Djouba. Selon plusieurs habitants des environs, des hommes en uniforme ont même utilisé un camion-grue pour emporter des générateurs électriques de la taille d'un minibus qui servait à alimenter la base principale du PAM. Sur le site de la RFI, on nous parle des conséquences en tourisme de l'attentat de Nice. Avec 5 millions de touristes par an, Nice est la seconde ville la plus touristique de France. L'attaque du 14 juillet risque d'avoir de lourdes conséquences pour la commune et pour l'ensemble d'une région dont la moitié des revenus proviennent du tourisme. Dès jeudi soir, quelques heures seulement après l'attaque, des touristes ont commencé à déserter la ville. L'hôtellerie n'est pas la seule touchée par l'attentat du 14 juillet. Les bars, les restaurants et les musées ressentent déjà un net ralentissement de leurs activités. Désormais, avec la répétition des attentats meurtriers sur le sol national, les professionnels redoutent un recul sensible de la fréquentation hôtelière, notamment de la clientèle fortunée en provenance des États-Unis, du Moyen-Orient et de l'Asie, qui fait la renommée des palaces. Mais la désaffectation des touristes pourrait bien avoir des conséquences à plus long terme sur une arrière-saison de septembre-octobre, habituellement favorable à la Côte d'Azur. Après les attentats de Paris, les hôtels de la capitale avaient perdu 25% de leurs réservations. Près de 10 mois plus tard, les touristes ne sont pas toujours revenus. Et voilà, c'est sur cet élément qui concerne l'actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Les avis sont divergents sur le retrait des représentants du gouvernement dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Kigali. Le président du parti FNL estimait que le pays ne va rien perdre au moment où le vice-président du parti Frodebou redoute la marginalisation du Burundi. Et sur la page éducation, nous vous avons parlé de deux enseignants qui critiquent la décision de la direction de l'enseignement de la commune Wuhinyuza qui concerne les enfants que cette direction a laissé avancer de classe après les examens de repêchage au lycée communal Muramba. Ces deux enseignants estiment qu'une telle décision est de nature à dénaturer l'enseignement. Et en actualité internationale, et vous venez de l'entendre, nous vous avons parlé de 4500 tonnes de nourriture destinées aux démunis volées par des hommes en uniforme au Sud-Soudan. Nous avons également parlé des conséquences économiques de l'attentat de Nice en France. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.